The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Child. L'enfant. To try. Essayer. Reason. La raison. Really. Vraiment. Funny. Drôle. Now, a bit faster. Really. Vraiment. Funny. Drôle. Really. Vraiment. Funny. Drôle. Child. L'enfant. To try. Essayer. Funny. Drôle. Really. Vraiment. Funny. Drôle. Child. L'enfant. To try. Essayer. Now, use the words in context. L'enfant. He has two children. Il a deux enfants. Essayez. Try it, it's fun. Essaye, c'est drôle. Essayez. Do you want to try? Tu veux essayer? La raison. She is right. Elle a raison. Vraiment. I am very tired. Je suis vraiment fatiguée. Drôle. It's funny. C'est drôle. L'enfant. He has two children. Il a deux enfants. Essayez. Do you want to try? Tu veux essayer? Drôle. It's funny. C'est drôle.